Mais Allah lui dit, « Jamais, allez tous deux avec nos prodiges, nous resterons avec vous et nous écouterons. »